Chapitre 12. Rosalie, en 8 jours, eut pris le gouvernement absolu des choses et des gens du château. Jeanne, résignée, obéissait passivement. Faible, étreignant les jambes, comme jadis petite mère, elle sortait au bras de sa servante, qui la promenait à pas lents, la sermonnait, la réconfortait, avec des paroles brusques et tendres, la traitant comme une enfant malade. Elle causait toujours d'autrefois. Jeanne, avec des larmes dans la gorge, Rosalie, avec le ton tranquille, des paysans impassibles. La vieille bonne revint plusieurs fois sur les questions d'intérêt en souffrance, puis elle exigea qu'on lui livrât les papiers que Jeanne, ignorante de toute affaire, lui cachait, par honte pour son fils. Alors, pendant une semaine, Rosalie fit chaque jour un voyage à Fécamp pour se faire expliquer les choses par un notaire qu'elle connaissait. Puis, un soir, après avoir mis au lit sa maîtresse, elle s'assit à son chevet et brusquement. « Maintenant que vous l'accouchez, madame, nous allons causer. » Et elle exposa la situation. Lorsque tout serait réglé, il resterait environ 7 à 8 000 francs de rente, rien de plus. Jeanne répondit. « Que veux-tu, ma fille? Je sens bien que je ne ferai pas de vieux os. J'en aurai toujours assez. » Mais Rosalie se fâcha. « Vous, madame, c'est possible. Mais monsieur Paul, vous ne lui laisserez rien alors ?» Jeanne frissonna. « Je t'en prie, ne parle jamais de lui. Je souffre trop quand j'y pense. Je veux vous en parler au contraire, parce que vous n'êtes pas brave, voyez-vous, madame Jeanne. Il fait des bêtises. Eh bien, il n'en fera pas toujours. Et puis, il se mariera, il aura des enfants, il faudra de l'argent pour les élever. Écoutez-moi bien, vous allez vendre les peuples. » Jeanne, d'un sursaut, s'assit dans son lit. « Vendre les peuples? Y penses-tu? Oh, jamais, par exemple. » Mais Rosalie ne se troubla pas. « Je vous dis que vous les vendrez, moi, madame, parce qu'il le faut. » Et elle expliqua ses calculs, ses projets, ses raisonnements. Une fois les peuples et les deux fermes attenantes vendues à un amateur qu'elle avait trouvé, on garderait 4 fermes situées à Saint-Léonard et qui, dégrevées de toute hypothèque, constitueraient un revenu de 8 300 francs. On mettrait de côté 1 300 francs par an pour les réparations et l'entretien des biens. Il resterait donc 7 000 francs sur lesquels on prendrait 5 000 pour les dépenses de l'année et on en réserverait 2 000 pour former une caisse de prévoyance. Elle ajouta, « Tout le reste est mangé, c'est fini. Et puis, c'est moi qui garderai la clé, vous entendez? Et quant à M. Paul, il n'aura plus rien, mais rien. Il vous prendrait jusqu'au dernier sou. » Jeanne, qui pleurait en silence, murmura, « Mais s'il n'a pas de quoi manger? Il viendra manger chez nous, donc, s'il a faim. Il y aura toujours un lit et du fricot pour lui. Croyez-vous qu'il aurait fait toutes ces bêtises-là si vous ne lui avez pas donné un sou du commencement? Mais il avait des dettes, il aurait été déshonoré. Quand vous n'aurez plus rien, ça l'empêchera-t-il d'en faire? Vous avez payé, c'est bien, mais vous ne paierez plus, c'est moi qui vous le dis. Maintenant, bonsoir, madame. » Et elle s'en alla.